Bien, est-ce que vous m'entendez? Je pense que ça ira, oui. Alors, mesdames et messieurs, au cours d'un épisode célèbre de Terre des Hommes, Saint-Exupéry nous parle en ces termes de l'eau. Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître, tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Fin de citation. Alors, tout au long de ces deux journées, nous avons pu mesurer la diversité des approches qui nous auraient été proposées autour du thème de l'eau, élément constitutif d'une civilisation. L'eau, cela a été dit à de multiples niveaux, intervient dans l'économique, le religieux, le militaire, les loisirs, le thermal, l'industriel, on vient de le voir. On a parlé des mines, de l'Antiquité, des deux conflits mondiaux, du Rhin, de la Moselle et beaucoup d'autres cours d'eau des différents départements. La rivière que je vous propose de mieux connaître, sinon de découvrir, se trouve dans le département de la Moselle, dont on a déjà parlé à deux reprises au cours de cet après-midi. Il s'agit de la Fensch, qui a donné son nom à la vallée de la Fensch. Vallée qui, de temps en temps, fait parler d'elle quand il s'agit de fermetures d'usines, de magnats de la sidérurgie, de visites présidentielles ou de résultats municipaux contrastés. La Fensch, donc, se situe, nous allons le voir immédiatement, donc, entre Fontoise et Thionville, c'est-à-dire, elle prend sa source à Fontoise, et après avoir traversé les cités en Ange, comme Knutange, Nilvange, Ayange, Sérémange, Erzange, Florange, se jette dans la Moselle. Et comme toutes les rivières, elle a elle-même des affluents qui viennent l'alimenter le long de son parcours. Citons par exemple le ruisseau d'Amévillé, appelé ruisseau de Sainte-Neige, dont on louait, à la suite d'une apparition de la Vierge, les fonctions thérapeutiques, sinon miraculeuses. Chaque région, on le voit, a quelque part son petit Lourdes. La Fensch, petite rivière de 16 km, a été le berceau du fer, de la sidérurgie, car en 1704, Martin Vadel est venu s'installer à Ayange, sur ses bords, pour réactiver des forges qu'on appelait, qu'on appelle parfois encore toujours, les moulins à fer. Et ces fonderies qui périclitaient, et à ce titre, il est considéré comme l'un des premiers maîtres de forge auxquels succéderont les barons de l'acier qui, quelques siècles plus tard, produiront à Pompée, Pont-à-Mousson ou Longwy l'acier lorrain. Mais avant d'être l'auxiliaire de la sidérurgie, la Fensch, bien entendu, avait bien d'autres fonctions. Et arrêtons-nous un instant sur une description du ruisseau tel que nous la propose l'abbé Xavier Nicolet, auteur d'une magistrale monographie sur Ayange. La grande curiosité de notre région, ce sont les sources de la Fensch, dont les eaux abondantes et limpides s'échappent de la base du coteau. En contemplant ce beau paysage avec ses collines, ses prairies, ses forêts, ses eaux argentines peuplées de truites savoureuses, en écoutant le clapotement des moulins, le murmure des eaux, le chant des oiseaux, on rêve d'un délicieux vallon des Vosges. Le rêve, hélas, ne courte durée, car vous retombez bientôt dans le bruit, dans la fumée, dans la vie industrielle. À son contact, le ruisseau a vite perdu de sa limpidité. Après avoir traversé Ayange, il est méconnaissable, et c'est presque en se cachant sous des voûtes d'arbres qu'il longe à la dérobée, Erzange, Susange, Sérémange, Afflerange, Adaspi, il se partage en deux, la vieille Fensch n'est plus qu'un filet d'eau qui va expirer de la Moselle. Alors, semblable à Ozone qui nous vante les beautés insoupçonnées de sa Mosella, eh bien, notre auteur, en proie à manichéisme à peine voilé, oppose vigoureusement une Fensch idyllique et pastorale à une Fensch souillée par le monde industriel. Et on trouve ici exprimé le conflit séculaire entre tradition et progrès, entre l'habitant des villages et celui des cités, entre le paysan agriculteur et l'artisan ouvrier. En fait, l'histoire de la vallée sera inséparable de ce ruisseau. Alors c'est sous le nom de Fontes, du latin fons, fontis, que le terme apparaît pour la première fois en 959 sur un cartulaire de l'abbaye de Villers-Bretenard, et le terme latin a tout naturellement donné fontois. Et durant les différentes occupations allemandes, la localité de Fontois sera dénommée précisément Fensch. Et cette ambivalence du terme, qui signifie à la fois le cours d'eau et la localité, permettra au poète Jean Kops, originaire de Hayange, ce vers fameux « Hayange, cise au bord rougi de la Fontois ». Alors, une des premières fonctions de la rivière a été, comme beaucoup de rivières, une fonction nourricière, domestique et ludique. En effet, les riverains utilisent les eaux comme eau potable pour des usages domestiques. On y lave son linge. On l'utilise pour l'arrosage des jardins, des prairies. Et cette eau sert, bien entendu, aussi à abreuver le bétail. À Fontois, par exemple, avant 1843, on a ce qu'on appelle le trou de la Fensch, expression qui désigne les résurgences de la rivière, et c'était le lieu où les habitants faisaient boire leur bétail, leurs chevaux. Vers 1840, d'ailleurs, un arrêté de salubrité publique oblige la municipalité de Fontois à construire un lavoir pour séparer précisément la fonction lavoir de la fonction abreuvoir. Les pêcheurs y trouvent leur compte, et l'estimation de la pêche dans la vallée de la Fensch, sur le banc de Hayange, s'évalue en 1708 à 15 kilos de truites par année. Le surplus des truites pêchées devant être livré au seigneur par le locataire à raison de 10 sols les 50. La Fensch, enfin, sera la joie des baigneurs, celle d'occasionnels patineurs, et ces derniers pouvaient exercer leur talent à Sremange-Susange sur un bras de ce qu'on appelait la Fensch morte. Alors, une des premières fonctions artisanales, et on en a longuement parlé à propos des scieries, mais le mécanisme est pratiquement identique, c'est ce qu'on a appelé la Fensch des moulins à farine, à tan ou tan, à plâtre. On comptait une vingtaine de moulins répartis sur le ruisseau et ses affluents. Il s'agissait bien sûr pour la plupart de moulins à blé, pour la production de la farine, mais on y trouvait également des moulins à plâtre et à tan. Vers la fin du Moyen-Âge, on utilise la force hydraulique pour remplacer, bien sûr, la force musculaire. Et d'immenses roues à aubes actionnent plusieurs meules et les tamis à farine. Du mois d'août qui correspond à la fin de la moisson jusqu'à Noël, on fait la farine. Et parfois, on broie le plâtre sortant des fours voisins, ainsi le moulin est toujours en activité. La roue à aube est alimentée par le bief, retenue d'eau construite par les soins du meunier. C'est ainsi que la tannerie artisanale est aussi extrêmement importante. Il s'agit de transformer des peaux de bêtes flasques et molles en cuir fort et dur. Et ce traitement s'effectue au moyen de différentes opérations dans lesquelles, bien sûr, intervient l'eau, mais aussi la chaux, l'écorce des arbres et particulièrement celle des chênes. Et dans un premier temps, bien sûr, les peaux sont lavées à l'eau courante et c'est bien entendu le travail de la Fensch. Mais bien entendu, la Fensch est surtout connue de par sa fonction industrielle, cette fameuse Fensch des moulins à fer et des forges. La force hydraulique va surtout contribuer au développement sans précédent de la sidérurgie dans la vallée. Le développement de la capacité de production des usines rendra indispensable l'usage de cette source d'énergie. Le moulin qui servait à moudre pouvait être utilisé à d'autres fins, comme par exemple concasser le minerai ou actionner le Martinet des Laminoirs. Et bientôt, les termes de moulin et de forge désigneront les mêmes activités. Les moulins à fer de la Fensch vont sortir l'obscur ruisseau de son anonymat pour en faire le symbole même, en quelque sorte, de la sidérurgie nationale. Un premier inventaire des forges remonte à 1560 et un recensement de 1615, établi pour la Chambre des comptes de Bruxelles, signale dans la vallée 8 forges, produisant chacune un cens annuel de 200 livres de fer. L'une de ces forges, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, surnommée le Laminoir de Susange et surnommée aussi la Boutique à eau, constitue aujourd'hui l'un des seuls vestiges de cette ancienne sidérurgie. Ces moulins de fer, aussi complexes que les moulins à blé, étaient constitués de rouages subtils et compliqués, roues à ailes, roues à hotte, qui faisaient mouvoir, donc martiner et souffler, qu'elle est déclenchée, telles des horloges à eau, je cite, les cadences séculaires de la peine et de l'effort. On a beaucoup évoqué, lors de ces journées tout à l'heure, l'eau et la mine. Un texte de 1827, extrait de l'art du maître de forge, contemporain de l'essor sidérurgique entrepris par François de Vadel, décrit avec précision le travail de ce qu'on appelait l'ouvrier laveur, qui, au patouiller, lave le minerai de fer. Donc ici, nous avons un moulin à fer avec ses différents composantes, la crémaillère, les mécanismes de relevage, la roue à aube, le bief, le sous-bief, le mur. Et ici, donc, nous avons ce fameux patouiller. Et je vais vous lire ici un petit extrait de cet ouvrage, qui date de 1827. Quand les terres sont fortement adhérentes aux minerais, ce qui était le cas de la minette Lorraine, soit qu'elle recouvre sa surface, soit qu'elle compose une espèce de ciment qui unit entre eux les oxydes de fer, et quand elle ne se délaie que lentement et difficilement, on favorise l'action de l'eau à l'aide de ce qu'on appelle un patouiller. Cet instrument n'est autre chose qu'une auge de bois ou de fonte que l'on emplit d'eau par le moyen d'un courant. On y jette l'oxyde terreux, des barres de fer fixées sur un arbre mu par l'eau, remuent continuellement les minerais. L'eau, en s'écoulant, entraîne la terre délayée et divisée. Bien entendu, l'eau a été aussi une source de conflit. Tout à l'heure, j'évoquais la définition de Xavier Nicolet. Eh bien, la cohabitation entre la tradition paysanne autochtone et l'autorité du seigneur, d'une part, et bientôt des maîtres de forge, n'ira pas toujours de soi. En effet, des conflits plus ou moins sérieux se développeront au cours des siècles. Ainsi, en 1772, quand le duc de Fleury à Florange, par l'intermédiaire de son garde-chasse, procède à une adjudication de la coupe des zones et de la tonte des saules sur les bords de la Fensch, les riverains font valoir aussitôt leur droit d'opposition, fondé sur leur obligation à débarrasser le cours d'eau des troncs d'arbres qui se trouvent sur les bords, dans le lit du ruisseau. Quelques années plus tard, en 1789, la Fensch sera au centre de débats bien plus graves, car il s'agira de savoir comment faire coïncider les intérêts du maître de forge avec ceux des paysans vivant à proximité. Et l'examen du cahier de doléances de la commune de Florange expose de manière douloureuse et véhémente ce conflit. Là aussi, vous permettrez de citer ce passage. Le village de Florange est situé sur la rive droite d'un ruisseau nommé Fensch, dont l'eau était autrefois claire et salubre. Mais depuis quelques années, le propriétaire des forges d'Ayange, le sieur de Vindel, y fait faire le lavage de ses mines, ce qui rend le ruisseau trouble, infect et dangereux pour les bestiaux, au point que plusieurs chevaux ont péri pour en avoir bu. Les habitants sont réduits à ne se servir que d'eau de puits, qui est mauvaise à boire, pour se soustraire aux maux qui leur arriveraient s'ils buvaient l'eau de ce ruisseau. Il demande donc qu'il soit défendu aux propriétaires des forges de Hayange de faire laver ses mines dans ce ruisseau, puisqu'il peut les faire laver dans un ruisseau voisin, qui ne sert pas à l'usage du public. Fin de citation. Progrès oblige, les intérêts de la sidérurgie prendront avec le temps le pas sur ceux du monde agricole. Alors, parlons un peu pour conclure, du moins provisoirement, la Fenge aujourd'hui. Eh bien, du fait de l'exploitation minière, on le sait, plus de 40 000 kilomètres de galeries ont été creusées sur l'ensemble du bassin ferrifère lorrain, ce qui en quelque sorte a mis fin à l'essor de cette rivière. L'apparition d'eau boueuse a été la première manifestation du tarissement de la rivière. Son lit s'est trouvé considérablement rétréci, a disparu de trois quarts dans les mines. Et du fait du caractère particulièrement industriel de la vallée, et à cause aussi d'une urbanisation importante, de nombreux secteurs ont été canalisés. Le cours d'eau a été bétonné, muré ou même recouvert. Ce type d'aménagement associé à des rejets polluants a engendré une dégradation du milieu aquatique. Le charmant cours d'eau aux eaux transparentes et poissonneuses est rapidement devenu, dans les années 60, un cloaque malodorant, infesté de rats. Les enfants d'une école d'Hayange située dans les années 70 à proximité de la Fenge en tuaient une dizaine par jour. Depuis la fermeture des mines et suite aux problèmes posés par l'ennoyage, la Fenge est redevenue au centre du débat sur l'environnement. Aujourd'hui, les complexes sidérurgiques de la vallée de la Fenge, comme la Solac, ArcelorMittal ou British Steel, n'ont plus besoin des eaux de la Fenge pour assurer leur production et assurer le travail aux quelque 3000 personnels qu'ils emploient. Aussi, au début des années 2000, sous l'impulsion des élus de la communauté d'agglomération du Val de Fenge, il a été décidé de s'attacher à la restauration du ruisseau en privilégiant quatre enjeux majeurs. L'enjeu hydraulique, lutte contre les inondations, l'enjeu morphologique, conservation et restauration physique du lit et des berges, l'enjeu écologique, retrouver une qualité et une biodiversité acceptables, et enfin l'enjeu paysager, reconsidérer le cours d'eau comme élément structurant du paysage urbain. Retrouver, comme dit aussi un historien, le célèbre fil d'Ariane de la vallée. C'est ainsi que d'importants travaux ont permis de remettre en état les berges de la Fenge et, bien entendu, également aussi de mettre en évidence les essences qui doivent être replantées, qu'il s'agisse d'espèces arborées ou espèces arbustives. Cette reconquête a vu le jour par des chantiers pilotes à Sremangers-Anges, à Florange, à Hayange, à Knutange, et l'une des réalisations les plus parlantes est le parc de la Rotonde installé sur l'ancienne usine sidérurgique de la Paix, ancienne SMK. Les 70 hectares ont été aménagés en vue de trois objectifs précis, la création d'un lieu de promenade, d'une aire de jeu et d'un parcours sportif. Aujourd'hui, la sidérurgie n'a plus besoin de la Fenge. La Fenge est donc destinée à retrouver sa fonction première, le ruisseau pittoresque d'antan, décrit par l'abbé Nicolet, lieu de promenade et de divertissement, on peut dire un original retour aux sources. Ma seconde partie va être consacrée à revoir un petit peu ses locaux et à commenter certains de ses aspects qui ont été totalement refaits. Ici, nous avons donc les sources de la Fenge qui sort de façon assez pleine, donc à Fontoy, avec différentes étapes. Les trous d'eau dont je parlais tout à l'heure, une vieille photo des Indes de 1800, et c'est là une sorte de bief qui servait en même temps d'abreuvoir et qui, par la suite, bien sûr, a commencé aussi à se dégrader. Nous sommes toujours à Fontoix. Ici, nous avons la Fenche qui passe sous le célèbre viaduc de Knutange, et on voit, bien entendu, que l'endroit reste encore avec des petits jardinets, et l'eau servait, effectivement, à arroser ces potagers, ce qui ne sera plus possible quelques années plus tard. Nous verrons aussi que cette vallée de la Fenche a donné aussi du goût à certains artistes qui ont le besoin de recréer cet environnement, parfois en le magnifiant ou lui donnant une signification, bien entendu, aussi extrêmement pleine et entière. Ici, nous avons une très belle photo également qui nous montre la Fenche à Hayange, et nous verrons tout à l'heure le même endroit, ce qu'il deviendra bien sûr quelques années plus tard. La Fenche à Sérémange-Erzange dans les années 1900, pas très loin de l'usine, qu'on ne voit pas ici, mais qui est toute proche. Il s'agit de l'usine dite de la Fenderie. Et ici, les rares photos où on voit le moulin de Florange, hein, dont on voit ici rue à Aube, et également une ancienne tannerie. On ne distingue pas particulièrement ici la roue, mais on la verra sur la photo qui va suivre, avec également une petite écluse sur la gauche. Voilà, cette fameuse tannerie de Florange. Et l'eau jouxte, bien entendu, ici, le bâtiment. L'ancien moulin d'Aspiche, qui fait partie de Florange, mais cette partie dépend de Thionville, donc partie extrêmement délabrée, où la Fenche coule tout à côté de ces bâtiments. Alors la famille s'installe donc en 1704 sur les bords de Fenche, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce château qui aujourd'hui a été détruit, reconstruit un autre bâtiment, se situe pratiquement dans l'usine. Hein, car une des grandes particularités des maîtres de forge, c'est qu'il construit son château non pas sur une colline, mais il construit pratiquement son habitation à 100 ou 200 mètres des hauts fourneaux, et en l'occurrence ici de la Fenche qui coule pratiquement à côté. Une autre très belle carte postale de l'époque, très idyllique. Vous voyez, la Fenche se trouve à peu près par ici. Voilà. Alors ici, nous avons donc une fenderie. Je précise bien, souvent des journalistes parisiens croyant que les gens de Moselle confondent les ans et les ons, changent fenderie en fonderie. Il s'agit bien d'une fenderie, c'est-à-dire les fameux produits longs pour fendre le fer, et on reconnaît sur la droite, encore une fois, cette roue à aube, tout ce mécanisme dont on a parlé tout à l'heure à propos de la scierie. On voit que les procédés restent absolument les mêmes. Et là, on a effectivement une sorte de forge, le moulin, avec la roue à aube sur la gauche, et puis on a ici le mineur qui lave son minerai lorsqu'il n'a pas besoin d'utiliser le patouillet. On retrouve ici cette roue ici, qui montre bien l'utilisation du riz. Un des rares plans de cette époque, donc la boutique à eau, on voit bien les soufflets qui sont indiqués ici pour le fonctionnement, et puis ces fameuses roues à aube que l'on aperçoit sur ce schéma. Ici, nous avons le plus ancien vestige de ce qu'on peut appeler la sidérurgie, une des plus anciennes laminoires qui se trouve à Susange. Et cette photo est intéressante parce que derrière, on voit les bâtiments de la nouvelle usine qui s'est implantée dans la vallée de la Fenche, qui est l'usine de la Solac. Et ce bâtiment, ces ruines, devaient être détruites pour y construire, idée très originale, un parking. Et une petite association de 2-3 personnes ont réussi à sauver cet ensemble, et vous verrez le résultat dans quelques instants. Alors d'abord un résultat par la peinture, ici une aquarelle de Jacqueline Soudagne qui nous montre ce petit bâtiment, et voilà le résultat, c'est que ça a été sauvé, et on voit derrière la usine de la Solac, et on voit le ruisseau que nous verrons dans toute sa splendeur, dans sa rénovation. Les anciennes écluses que l'on retrouve encore çà et là, il y en avait à peu près une quarantaine sur l'ensemble de ce minuscule ruisseau, qui a une petite particularité, c'est que de sa source à la Moselle, il n'est pratiquement pas plus large. Il a pratiquement toujours le même nombre de mètres. Voilà une photo actuelle qui nous montre la Fenge qui va se perdre sous les usines de la Solac, avec un certain bouillon, et l'eau commence à bleuir parce qu'elle est en rénovation, nous le verrons tout à l'heure. Alors, bien entendu, à côté de ces ruisseaux, se sont construits les grands ensembles industriels, et notamment les fameuses forges de Hayange, ici une très belle aquarelle du comte de Berthier, qui nous montre avec ses fameuses cheminées carrées, la Fenche n'est pas loin, le château de Vindel, une des parties se trouve ici, donc vous voyez qu'il est à côté de l'usine, pour son travail. Ici, un tableau extrêmement célèbre d'André Rixin, Hayange 1887, laminage de l'acier en fournement et détournement de l'ego. Une petite anecdote, André Rixin était spécialiste de peinture mythologique et on lui a reproché de ne pas savoir ce que c'était qu'un ouvrier car on les trouvait beaucoup trop gras. Une rare photo d'Hayange en 1900. Et la Fenche, on la voit, on la distingue, elle coule à peu près par ici, vous voyez, elle serpente ici avec ses arbres. À l'époque, elle est totalement découverte, ce qui ne sera plus le cas aujourd'hui. Et on voit bien sûr aussi les usines, et puis bien sûr, ce n'est pas notre sujet, mais aussi le paternalisme avec les différents logements en fonction de la place qu'on occupe dans l'usine, extrêmement intéressant aussi. Donc l'eau sert bien sûr aussi à refroidir les équipements des hauts fourneaux, les tuyères, les laminoirs, à laver le gaz. Donc vous voyez, cette eau a plusieurs fonctions. Et même encore aujourd'hui, lorsque vous visitez une usine, l'importance de l'eau est capitale pour refroidir certains lingots. Toujours l'art qui se place et qui montre que finalement, ce qui peut paraître un paysage très rébarbatif peut avoir une forme de beauté. Je vais vous montrer quelques très beaux exemples. Albert Brenet, ici, ce n'est pas de l'art, c'est de la photo, à une époque où, bien entendu, le mot pollution n'existait pas. Et la photo, la Fenche coule précisément derrière ces bâtiments. C'est au moment du soufflage. Un laminoir, une gouache de Paul Vax. En 1958, et l'aquarelle de Roland Pirch pour les fameux hauts fourneaux dont on a parlé, situés non pas à Florange mais à Hayange, et là toujours les symboles de cette sidérurgie qui apparaissent. Et puis un petit clin d'œil, un grand clin d'œil au grand peintre Jean-Pierre Coupry qui a essayé de faire des usines, les faisant faire partie du paysage. Pour deux minutes, j'en ai une finie. Voilà, Jean-Pierre Coupry, l'or de la Fenche, vous voyez la transformation, bien entendu, on pense à l'or du Rhin, mais vous voyez, la Fenche est devenue cette fameuse coulée qui va produire la fonte, mais aussi le laitier. Une lente dégradation, on le voit ici, les eaux sont boueuses, on n'a pas de chance de voir le rat, mais il n'est pas loin. Et voilà ici, par exemple, ce que devenait la Fenche dans les années 70. On construisait juste un grand théâtre à côté. Voilà, une eau boueuse. Et la réhabilitation que j'ai évoquée, voilà, le bâtiment dont j'ai montré tout à l'heure. Donc voici la Fenche aujourd'hui, à Florange, un peu partout. Vous voyez, les rives sont bien calibrées. Et voilà. Donc c'est pratiquement à cet endroit que Martin Vindel, en 1704, est venu. Je dis Martin Vindel parce qu'il a été anobli, donc c'est devenu la famille de Vindel. Maintenant, ils ont reperdu le 2, c'est nous Vindel maintenant. Voilà. Voilà. Et oui. Perdu volontairement, je suppose. Voilà. Demain, des poissons dans la Fenche et le site de la paix auquel je faisais allusion avec un réaménagement tout à fait important. Voilà, mesdames et messieurs, cette présentation de la Fenche.